Le verbe aller, lorsqu'il ne s'agit pas d'aller à pied, mais par un autre moyen de locomotion, à l'exception de l'avion, se dit fahren. Donc, que vous voyagiez en voiture, en train ou par un autre moyen, vous emploierez fahren. Comme fahren est un verbe de mouvement, bien entendu, lorsque vous plongerez dans le passé, vous le ferez à partir du plongeoir être. Donc, comment diriez-vous « je suis allé à Vienne » ? Ich bin nach Wien gefahren. C'est ça. Ich bin nach Wien gefahren. Et nous sommes allés à Vienne. Wir sind nach Wien gefahren. Bien. Wir sind nach Wien gefahren. Nous sommes allés à Vienne la semaine dernière, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Nous sommes seulement restés quelques jours. Nous sommes allés à Vienne la semaine dernière. La semaine, c'est Woche, die Woche. Et la semaine dernière se dit letzte Woche, letzte Woche. Donc, comment diriez-vous « nous sommes allés à Vienne la semaine dernière » ? Nous sommes... Wir sind... La semaine dernière... Letzte Woche... Letzte Woche est correct. Pour la semaine dernière, vous pouvez également dire vorige Woche. Donc, wir sind letzte Woche ou vorige Woche à Vienne. Nach Wien gefahren. Bien. Wir sind vorige Woche nach Wien gefahren. Mais nous ne sommes pas restés longtemps. Aber wir sind nicht lang bleiben. Lange? Geblieben. Bien. Aber wir sind nicht lange geblieben. Nous sommes seulement restés quelques jours. Seulement se dit nur, N-U-R. Et pour dire quelques jours, on pourra employer ein paar Tage. Alors, nous sommes seulement restés quelques jours. Wir sind nur ein paar Tage. Ein paar Tage. Geblieben. Bien. Wir sind nur ein paar Tage geblieben. Et nous sommes rentrés à Paris. Und wir sind nach Paris zurückgekommen. Und wir sind nach Paris zurückgekommen.